Je n'ai que dire au monde, du vent, rien que du vent, des mots, toujours des mots, ces pauvres innocents. Ils dansent, ils font la ronde, ils se bougent en tous sens, ils tournent autour du pot avec beaucoup de science. Aux lèvres du menteur, ils se feront mensonge, aux lèvres du poète, ils s'empliront de songes, comme de sang son cœur qui bat, mais qui dira, avant qu'il ne s'arrête, tout ce pourquoi il va. Aux lèvres des amants, les mots se font tourment. Aux lèvres des enfants, les mots s'en vont jouant. À celle des vieillards, les mots seront plus rares. Un souffle chuchotant la mémoire du vent. Et la bouche remplie de ces sons étonnants qui donnent au monde un sens, ou du moins font semblant. Nous enfouissons nos vies, toutes nos solitudes, sous quelques mots qu'on lance, paroles d'habitude. Et qu'enfile parfois sur un brin de musique, en collier besogneux, l'artisan sémantique, mettant son âme en croix sur un air de Java, avec tout le sérieux de ceux qui n'en ont pas. Aux lèvres des amants, les mots se font tourment. Aux lèvres des enfants, les mots s'en vont jouant. À celle des vieillards, les mots se font plus rares, malicieux, élégants, ils s'en vont saluant. Si je prends pour ivresse ces mots sans queue ni tête, ces rimes de hasard, ces paroles qu'on jette, pour dire la tendresse, la douleur et la joie, ces signes dont s'abreuve le papier ou la voix. Ils n'ont que dire au monde, l'air n'est pas la chanson, le mot n'est pas la chose et toutes nos passions. En entrant dans la ronde du verbe sinois, pâlissant tant qu'on ose y croire qu'à mi-voix. Aux lèvres des amants, les mots se font tourment. Aux lèvres des enfants, les mots s'en vont jouant. À celle des vieillards, les mots se font plus rares. Sur les ailes du temps, ils s'envolent hésitants. Sous la plume ou la langue, ils viennent comme ils viennent, balançant leur pourquoi au milieu de nos peines. Ils trébuchent et ils tendent, ou nous mènent trop vite, emportés par la foi, les voilà qui s'agitent. Ils frétillent à l'oreille, croyant avoir tout dit, mais voici le silence, compagnon de la nuit. Et les mots s'émerveillent, les mots s'arrêtent là, surprise et sans défense, ils en perdent la voix. Aux lèvres des amants, les mots se font tourment. Aux lèvres des enfants, les mots s'en vont jouant. À celle des vieillards, les mots se font plus rares, dernier flocon d'argent d'un hiver finissant. Que reste-t-il à dire à l'oreille du vent? Quel mot, quel dernier cri dérisoire et troublant? Qu'y a-t-il à écrire qui n'ait pas été dit? Les bonheurs, les soucis et le temps qui s'enfuit. Si le silence est d'or, je me ferai voleur et j'irai sans un mot lui ravir ses couleurs. À l'heure où tout s'endort, où se taisent nos voix, ne laissant que l'écho mourant de leur émoi. Aux lèvres des amants, les mots se font tourment. Aux lèvres des enfants, les mots s'en vont jouant. À celle des vieillards, les mots se font plus rares, et chevauchant le vent, ils vont se ressemant.